La Suisse et ses primes. Comprendre pour mieux respirer l'automne des primes. Enquête citoyenne sur la santé et l'assurance maladie en Suisse. Auteur Jérôme Michel. Genre enquête citoyenne, essai pédagogique. Éditeur Suisse.fm. Chaque année, c'est le même moment. Il n'a pas de date officielle, pas de cérémonie. Pas de discours. Il arrive discrètement, dans les boîtes aux lettres et dans les comptes en ligne. Une enveloppe, un message, un nouveau montant. On l'ouvre souvent debout, par habitude, par appréhension aussi. On lit le chiffre, on compare avec l'an dernier, on soupire. Pour beaucoup, ce n'est pas une surprise, c'est presque un rituel. Les primes augmentent. Elles augmentent encore, et personne ne semble réellement étonné. Ce qui trouble, ce n'est pas seulement le montant. C'est ce sentiment diffus que cette hausse est devenue normale. On ne demande plus vraiment pourquoi. On se demande surtout comment faire avec. Réduire ailleurs, reporter un projet, adapter le quotidien. La prime s'impose comme une donnée fixe, un élément du décor. Et pourtant, derrière ce chiffre, il y a un système immense, des règles, des flux financiers, des décisions réparties, des mécanismes complexes. Mais pour celui qui paie, tout cela se résume à une ligne qui revient chaque automne, un peu plus lourde que la précédente. Ce podcast part de là, pas de colère, pas d'accusation, d'un constat simple. Nous vivons avec un système que nous finançons tous, sans toujours comprendre comment il fonctionne. Alors, avant de parler de réforme, avant de parler de responsable, il faut faire un pas en arrière. Regarder calmement, comprendre comment une prime se forme, ce qu'elle contient, et pourquoi elle pèse autant. Non pour juger, mais pour retrouver un peu d'air. C'est par là que commence l'enquête. Quand on parle de la prime maladie, beaucoup utilisent le même mot, impôt. Ce n'en est pas un. Un impôt dépend du revenu. Il augmente quand on gagne plus, il diminue quand on gagne moins. La prime, elle, ignore tout de votre salaire. Elle s'adresse à autre chose, au risque. Chacun paie, parce que chacun peut tomber malade. C'est le principe fondateur du système. Une solidarité entre assurés, et non une redistribution par l'État. Sur le papier, l'idée est simple, presque juste, mais dans la vie réelle, elle produit un effet particulier. Deux personnes vivant dans la même ville, touchant des revenus très différents, reçoivent la même facture. Pour l'une, c'est un poste budgétaire lourd. Pour l'autre, une contrainte parmi d'autres. La différence n'est pas dans la règle, elle est dans l'impact. C'est là que naît une première tension. La prime n'apparaît pas comme un effort collectif, mais comme une charge individuelle. Elle arrive seule, isolée, sans contexte. On ne la paie pas ensemble, on la paie chacun, de son côté. Et parce qu'elle n'est pas progressive, elle se fait sentir bien avant les autres dépenses. Ce n'est pas la médecine qui est rejetée, ni la solidarité. C'est la manière dont cette solidarité est demandée. Quand la facture tombe, elle ne raconte ni l'hôpital, ni les soins, ni les patients. Elle raconte seulement ce que vous devez payer. Le système, lui, reste hors champ. C'est à partir de cette dissociation que l'incompréhension commence à s'installer. On accepte de contribuer, mais on peine à comprendre ce à quoi l'on contribue réellement. Et sans compréhension, la confiance s'érode lentement. C'est ce décalage qu'il faut maintenant explorer. Prenons un franc. Un seul, celui que vous versez chaque mois avec votre prime. Ce franc ne va pas directement chez un médecin. Il ne devient pas immédiatement un soin. Il entre d'abord dans un circuit. Il est enregistré, comptabilisé, regroupé avec des millions d'autres. Puis il commence à se diviser. Une part servira aux prestations médicales, une autre couvrira les frais de gestion, une autre alimentera les réserves obligatoires, une autre encore servira aux ajustements futurs. À chaque étape, le franc change de forme. Il devient comptable, puis transfert, puis remboursement. Rien ne disparaît, mais tout se fragmente. Ce morcellement est nécessaire pour faire fonctionner le système. Sans lui, rien ne serait remboursé, rien ne serait contrôlé. Mais il a un coût. Chaque passage implique du traitement, des vérifications, des échanges de données, des corrections. Le soin, lui, n'est qu'une partie du trajet. Le reste concerne l'organisation du soin. Quand on parle d'augmentation des primes, on imagine souvent une explosion des dépenses médicales. La réalité est plus diffuse. Une partie de la hausse vient de là, du prix de la circulation elle-même. Plus le système devient complexe, plus le trajet du franc s'allonge. Et plus il s'allonge, plus il coûte. Pour l'assuré, ce trajet reste invisible. Il voit le départ, il voit la facture, mais il ne voit presque jamais le chemin. C'est dans cet espace invisible que beaucoup de questions prennent racine. Car on accepte plus facilement de payer quand on sait où l'argent passe. Quand le trajet disparaît, le doute s'installe. Pas sur l'utilité du soin, mais sur la logique du système. Quand on paye une prime, on imagine souvent une destination unique, un hôpital, un médecin, un soin précis. En réalité, l'argent se disperse. Il alimente d'abord les hôpitaux, séjours, opérations, examens, urgences. Il va ensuite vers la médecine de ville, consultation, suivi, traitement. Il finance les médicaments, les thérapies, les soins chroniques. Il participe aussi à ce qu'on voit moins, les soins de longue durée, l'aide à domicile, les établissements pour personnes âgées. Puis viennent d'autres destinataires, plus discrets, des structures de coordination, des programmes de prévention, des dispositifs cantonaux, des mandats confiés à des organismes spécialisés. Pris séparément, chacun de ces postes paraît légitime. Pris ensemble, ils forment une mosaïque difficile à lire, même pour ceux qui la gèrent. Il n'y a pas un flux unique, mais une multitude de chemins parallèles. L'argent ne disparaît pas, il se répartit. Et plus la répartition est fine, plus la vision d'ensemble devient floue. Pour l'assurer, cette dispersion est invisible. Il n'a accès ni aux arbitrages, ni aux équilibres, ni aux compensations. Il voit seulement le résultat final, un montant global, sans détails compréhensibles, sans récit. Ce manque de lisibilité n'est pas volontaire, il est structurel, mais ses effets sont réels. Car lorsqu'on ne peut pas relier ce que l'on paie à ce que l'on finance, la prime cesse d'être perçue comme un outil collectif. Elle devient une contrainte abstraite, et ce sentiment, année après année, pèse presque autant que la facture elle-même. Au cœur du système se trouvent les assureurs. Ce sont eux qui reçoivent les primes, eux qui traitent les factures, eux qui remboursent les soins. Ils occupent une position centrale, à la fois technique et administrative. Leur rôle est indispensable. Sans eux, le système ne fonctionnerait pas. Mais cette centralité crée aussi une ambiguïté. Les assureurs ne sont ni tout à fait des services publics, ni tout à fait des entreprises ordinaires. Ils exercent une mission obligatoire, dans un cadre strictement défini par la loi. Et pourtant, ils sont en concurrence. Cette concurrence vise à contenir les coûts, à encourager l'efficacité, à offrir un choix aux assurés. Sur le principe, l'idée est cohérente. Dans la pratique, elle produit des effets secondaires. Pour se distinguer, les assureurs communiquent. Ils investissent dans la visibilité. Ils développent des services parallèles, comparateurs, campagnes, outils, numérique. Tout cela a un coût qui n'apparaît pas toujours clairement dans la facture finale, mais qui fait partie du fonctionnement. La concurrence n'annule pas la solidarité, mais elle la fragilise, car on demande au même acteur d'assurer tout le monde et de se démarquer de ses concurrents. Cette tension structurelle traverse tout le système et elle contribue à la difficulté de lecture. Pour l'assurer, l'assureur est à la fois interlocuteur, gestionnaire et parfois écran. Il incarne le système sans en être le véritable décideur. Ce décalage nourrit souvent la confusion. On s'adresse à celui qui répond, sans savoir qui décide réellement. Et lorsque les primes augmentent, le centre devient naturellement le point de friction. Même si la mécanique qui agit le dépasse en partie, l'hôpital est d'abord un lieu de soins. On y entre pour être pris en charge. On en sort avec l'espoir d'aller mieux. Mais pour fonctionner, l'hôpital est aussi une machine comptable. Chaque journée passée devient une unité. Chaque acte, un code. Chaque intervention, une ligne. Rien n'est laissé au hasard. Tout doit pouvoir être tracé, justifié, facturé. Ce système permet le contrôle. Il garantit l'égalité de traitement. Il protège contre l'arbitraire. Mais il transforme aussi le soin. Le temps médical devient mesurable. La relation humaine se transforme en tarif. Plus le soin est complexe, plus la facturation l'est. Des équipes entières ne soignent pas. Elles codent, elles vérifient, elles corrigent. Ce travail n'est pas superflu. Il est exigé par le cadre. Mais il a un prix. Une partie significative des dépenses hospitalières ne concerne pas directement les patients. Elle concerne l'organisation du soin. À l'échelle individuelle, cela ne se voit pas. À l'échelle nationale, cela pèse. Quand on parle d'augmentation des coûts, on pense souvent à la technologie, aux bâtiments, aux traitements. On parle moins du poids administratif. Pourtant, il grandit avec le système lui-même. Plus on demande de transparence, plus il faut de procédures pour la produire. Et plus les procédures se multiplient, plus elles consomment des ressources. L'hôpital soigne. Mais il doit aussi se justifier. Entre ces deux exigences, l'équilibre devient fragile. Et cet équilibre fragile se reflète lentement, dans la prime que chacun paie. En dehors de l'hôpital, la plupart des soins se déroulent ailleurs. Chez le médecin de famille, chez le spécialiste, dans un cabinet de quartier. Ces lieux donnent l'impression d'une médecine simple, directe, humaine. Pourtant, là aussi, le soin passe par une structure précise. Chaque consultation correspond à un tarif. Chaque minute est comptée. Chaque acte est répertorié. Ce système vise l'équité. Il permet de traiter tous les assurés selon les mêmes règles. Mais il crée une tension discrète. Le temps passé à écouter, à rassurer, à prévenir est parfois moins bien reconnu que le temps passé à intervenir. Ce qui se mesure facilement prend le dessus sur ce qui se construit dans la durée. Prévenir une maladie coûte peu sur le moment, mais rapporte surtout plus tard. Or, le système raisonne souvent à court terme. Il rembourse ce qui est visible. Il peine à valoriser ce qui évite des coûts futurs. Ce décalage influence la pratique médicale. Sans intention malveillante, sans calcul cynique, simplement par adaptation. Quand certaines actions sont mieux reconnues que d'autres, elles prennent plus de place. Ainsi, une partie de la hausse des coûts ne vient pas d'un excès de soins, mais d'une logique de reconnaissance imparfaite. On soigne ce qui est comptable, on rapporte ce qui ne l'est pas. À long terme, ce report se paie, pas brutalement, progressivement. Et cette progression, année après année, se retrouve dans le montant des primes, sans bruit, sans rupture. par simple accumulation. La médecine progresse. De nouveaux traitements apparaissent. Des thérapies ciblées, des médicaments plus précis, des techniques autrefois impensables. Ces avancées sauvent des vies, améliorent le quotidien, allongent l'espérance de vie. Mais le progrès a un prix. Les médicaments récents sont souvent coûteux. Ils nécessitent des années de recherche, des essais cliniques complexes, des processus de validation longs. Leur prix ne reflète pas seulement la molécule, il inclut tout ce qui a précédé. Recherche, développement, échec invisible. Une fois mis sur le marché, ces traitements sont intégrés au système. Ils deviennent remboursables, ils deviennent accessibles et leur coût se diffuse. Un médicament pris par quelques patients semble marginal. Pris par des milliers, il devient structurel. Le débat se tient souvent autour de ces chiffres. Faut-il limiter, négocier davantage, retarder l'accès? Aucune réponse n'est simple. Refuser un traitement peut sembler inacceptable. L'accepter sans limite pèse sur l'ensemble. Le système avance alors par compromis. Il accepte, il ajuste, il reporte, et chaque décision prise isolément paraît raisonnable. Mais additionnées, elles contribuent à la hausse globale. Le progrès médical ne crée pas le problème, il le déplace. Il oblige la collectivité à arbitrer en permanence entre ce qui est possible et ce qui est soutenable. Et ces arbitrages, souvent invisibles, finissent par remonter jusqu'à la prime. Il existe des coûts qui ne font pas de bruit. Ils n'apparaissent pas dans l'urgence. Ils ne déclenchent pas de débat immédiat. Ils s'installent. Le vieillissement de la population en fait partie. Vivre plus longtemps est une réussite collective. Mais vivre plus longtemps implique aussi davantage de soins sur la durée. Traitement chronique, suivi régulier, aide à domicile, établissement spécialisé. Ces dépenses ne sont pas spectaculaires, elles sont continues. Elles ne frappent pas un jour précis. Elles s'accumulent lentement. Contrairement à une opération lourde, le coût du temps long ne se voit pas. Il progresse mois après mois, année après année. Et parce qu'il progresse sans rupture, il devient difficile à discuter. On peut débattre d'une réforme ponctuelle. On débat plus rarement d'une tendance démographique. Le système de santé doit accompagner. Il ne peut pas interrompre. Ce qui rend ces coûts particuliers, c'est leur caractère prévisible et pourtant difficile à contenir. On sait qu'ils augmenteront, on sait qu'ils dureront, mais on ne sait pas où placer la limite. Dans ce contexte, les primes deviennent un outil d'ajustement. Elles absorbent ce que le système ne peut pas réduire. Elles traduisent, financièrement, le poids du temps. Ce n'est pas une défaillance. C'est une conséquence, et cette conséquence, même silencieuse, pèse sur chaque budget de manière très concrète. C'est souvent là que naît le sentiment d'étouffement. Non pas face à une décision précise, mais face à une évolution qui semble ne jamais s'arrêter. Entre l'argent versé et le soin reçu, il existe des relais, des structures intermédiaires, des organismes spécialisés, des dispositifs de coordination. Ils n'apparaissent presque jamais dans la discussion publique. Pourtant, ils jouent un rôle réel. Programmes de prévention, accompagnement administratif, soutien ciblé à certaines populations, gestion de situations complexes. Pris séparément, ces relais sont utiles. Ils répondent à des besoins précis que ni l'hôpital ni le cabinet médical ne peuvent assumer seuls. Mais leur multiplication a un effet discret. Chaque relais nécessite une organisation, un suivi, des rapports, des financements. L'argent circule alors en cascade. Une institution mandatée, une structure reçoit, une autre exécute. À chaque étape, une part du budget est consacrée à la coordination elle-même. Ce n'est pas du gaspillage, c'est de la complexité. Mais la complexité a un coût. Plus les couches s'empilent, plus il devient difficile de savoir qui fait quoi. Et surtout, de mesurer l'efficacité globale. L'assuré ne voit rien de cela. Il ne voit ni les mandats, ni les contrats, ni les évaluations internes. Il voit seulement la facture finale. Quand le système devient trop fragmenté, il devient aussi difficile à expliquer. Et ce qui est difficile à expliquer finit souvent par être mal accepté. La hausse des primes se nourrit aussi de cette invisibilité. Non pas parce que les relais sont inutiles, mais parce que leur addition échappe au regard collectif. Ce que personne ne voit ne peut pas vraiment être discuté, et ce qui ne se discute pas continue. La complexité du système de santé n'est pas le fruit du hasard. Elle ne vient pas d'une erreur unique, ni d'une mauvaise décision. Elle vient du temps. Chaque réforme a ajouté une couche. Chaque correction a conservé l'ancienne. Chaque compromis a évité de trancher. On a préféré ajuster plutôt que de supprimer, aménager plutôt que simplifier. C'était souvent prudent, parfois nécessaire, mais à force, le système s'est épaissi. Des règles nationales, des compétences cantonales, des exceptions locales. Tout fonctionne ensemble, sans jamais être totalement unifié. Cette architecture protège contre les ruptures brutales. Elle garantit une certaine stabilité, mais elle rend la lecture difficile. Même les professionnels peinent parfois à saisir l'ensemble. Quand les règles deviennent trop nombreuses, elles cessent d'éclairer, elles organisent, mais elles n'expliquent plus. Pour le citoyen, le système apparaît alors comme un bloc opaque. On sait qu'il fonctionne, on voit qu'il soigne, mais on ne comprend plus comment les décisions se forment. Cette incompréhension ne produit pas forcément de la colère. Elle produit surtout de la fatigue. Une fatigue administrative. Une lassitude diffuse. On cesse de demander. On accepte. Et c'est souvent à ce moment-là que la prime devient insupportable. Pas parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle est devenue incompréhensible. La complexité ne choque pas, elle use. Et ce qui use longtemps finit par peser très lourd. Quand les primes augmentent, une question revient souvent. Est-ce normal? La réponse est, le plus souvent, oui. Tout est légal, les règles sont respectées, les contrôles existent, les procédures sont suivies. Et pourtant, le malaise persiste, car ce qui est légal n'est pas toujours lisible. Le système fonctionne par délégation, par répartition des rôles, par décision fragmentée. Chacun agit dans son périmètre. Chacun respecte le cadre, mais personne ne porte l'ensemble. La hausse n'est jamais décidée à un endroit précis. Elle résulte d'additions successives. Un ajustement ici, une extension là, une nouvelle prise en charge ailleurs. Pris séparément, chaque choix paraît raisonnable. Ensemble, ils produisent un résultat que plus personne ne maîtrise vraiment. C'est ce que l'on pourrait appeler un flou légal. Rien n'est caché, rien n'est interdit, mais le sens global se dilue. Quand un citoyen demande pourquoi il paie plus, il n'obtient pas de réponse fausse. Il obtient une réponse partielle. Chaque interlocuteur explique sa part. Personne n'explique le tout. Ce n'est pas un mensonge. C'est une architecture. Et cette architecture rend la responsabilité diffuse. On ne peut pas contester ce qui n'a pas été décidé clairement. On ne peut pas interpeller ce qui n'a pas de visage. La prime augmenta. Le cadre est respecté. Mais la compréhension, elle, reste en suspens. C'est là que naît le sentiment d'impuissance, pas face à une injustice, mais face à un système qui avance sans jamais dire qui en tient réellement la direction. Le système ne s'arrête jamais. Il ajuste, il corrige, il compense. Quand les coûts augmentent, les primes suivent. Quand les primes suivent, elles financent de nouvelles dépenses. Ces dépenses, à leur tour, créent de nouveaux coûts. Ce mouvement forme une spirale. Elle n'est pas violente, elle n'est pas soudaine, elle est régulière. Chaque année, le mécanisme se répète avec de légères variations. Personne ne décide de l'augmenter, personne ne décide de l'arrêter. La spirale fonctionne par inertie. Dans d'autres domaines, on peut réduire la demande. En santé, non, on ne choisit pas d'être malade. On ne peut pas différer un traitement vital. On ne peut pas attendre que le prix baisse. La demande est contrainte. Le système le sait. Il absorbe. La prime devient alors le point d'équilibre. Elle compense ce qui ne peut pas être comprimé ailleurs. Ce rôle la rend indispensable, mais aussi fragile, car elle concentre toutes les tensions. Elle devient le lieu visible d'un problème invisible. On discute du chiffre parce que c'est ce que l'on voit. Mais la spirale, elle, continue en arrière-plan. Tant qu'aucun frein structurel n'est posé, elle ne peut que se poursuivre. Pas parce que quelqu'un le veut, mais parce que tout le monde s'y adapte. Et l'adaptation, lorsqu'elle dure, devient une forme de résignation. On ne s'indigne plus, on anticipe. On se prépare à la prochaine hausse comme à une saison supplémentaire, sans colère, sans surprise, avec fatigue. Face à ce constat, une question demeure. Que peut-on faire? Il n'y a pas de solution simple, pas de levier unique, pas de promesse immédiate. Mais il existe des marges. La première est la lisibilité. Un système complexe peut rester acceptable s'il est compréhensible. Quand les citoyens savent où va l'argent, comment les décisions se forment et qui répond de quoi, la confiance peut tenir. La seconde est la simplification. Moins de relais, moins de couches, moins de circuits parallèles. Chaque intermédiaire supprimé n'est pas une économie spectaculaire, mais une respiration. La troisième est la prévention. Prévenir coûte moins que réparer tard, mais la prévention demande du temps, et le temps n'est pas toujours compatible avec les logiques budgétaires annuelles. Enfin, il y a la place du citoyen, pas comme gestionnaire, pas comme expert, mais comme financeur légitime. Celui qui paie doit pouvoir comprendre, pas tout maîtriser, comprendre suffisamment pour poser des questions, sans suspicion. Sans honte. Retrouver de l'air, ce n'est pas promettre une baisse immédiate. C'est redonner un espace entre la facture et le sentiment d'impuissance. Quand la compréhension revient, la pression change de nature. On ne subit plus entièrement. On peut discuter. Et discuter, dans un système démocratique, reste une forme essentielle de respiration. Il n'y aura pas de conclusion spectaculaire, pas de chiffre final, pas de verdict, parce que ce système ne se résume pas à une faute ou à une erreur. Il soigne, il protège, il permet à chacun d'être pris en charge, mais il est devenu lourd, fragmenté, difficile à raconter. Ce qui fatigue le plus n'est peut-être pas le montant des primes. C'est le sentiment de ne plus comprendre ce que l'on finance. Quand la compréhension disparaît, la confiance s'affaiblit. Et quand la confiance s'affaiblit, chaque hausse paraît insupportable. Ce podcast n'avait pas pour but de dénoncer, ni de désigner. Il voulait simplement éclairer, mettre des mots là où il n'y avait qu'un chiffre, redonner un peu de continuité entre ce que l'on paie et ce que l'on vit. Comprendre ne fait pas baisser une facture, mais comprendre change la manière dont on la reçoit. Cela remet du sens là où il n'y avait que de la contrainte. Respirer, ici, ne signifie pas ignorer le problème. Cela signifie pouvoir le regarder sans étouffer. Pouvoir dire « Je sais mieux comment cela fonctionne ». Et parfois, cela suffit pour tenir. Le reste relève du débat collectif. Pour l'instant, on peut simplement s'arrêter là. Rien de plus. Le silence peut suivre. Vous venez d'écouter « La Suisse et ses primes ». Comprendre pour mieux respirer. Un essai audio de Jérôme Michel.